Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, Souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen. De Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Neuvième épisode. Incipit Hitler. Cela reste une loi inéluctable de l'histoire. Elle défend précisément aux contemporains de reconnaître dès leur premier commencement les grands mouvements qui déterminent leur époque. C'est ainsi que je ne puis me rappeler quand j'ai entendu pour la première fois le nom d'Adolf Hitler. Ce nom que nous nous voyons à présent obligés depuis des années de penser ou de prononcer chaque jour, presque à chaque seconde, à propos de quelques conjonctures, le nom de l'homme qui a apporté plus de calamités dans notre monde qu'aucun autre au cours des âges. Cela doit en tout cas s'être produit assez tôt, car notre Salzbourg, à 2h30 de chemin de fer, était en quelque sorte la voisine de Munich. Si bien que même les événements d'intérêt purement local de cette ville nous étaient vite connus. Je sais seulement qu'un jour, je ne saurais plus déterminer la date exacte, une de mes connaissances passa la frontière et se plaignit que Munich était de nouveau en proie au désordre. Il y avait là en particulier un furieux agitateur du nom de Hitler, qui organisait des réunions accompagnées de sauvages bagarres et se livrait à une campagne d'excitation des plus vulgaires contre la République et les Juifs. Ce nom tomba en moi, vide et sans poids. Il ne m'occupa pas plus longtemps. Car combien de noms d'agitateurs et de fauteurs de désordre, aujourd'hui depuis longtemps oubliés, surgissaient alors dans cette Allemagne délabrée, pour disparaître tout aussitôt. Mais ensuite surgirent tout à coup, dans les localités frontalières de Reichenbach et de Berchtesgaden, où je me rendais presque chaque semaine, des troupes d'abord réduites, puis de plus en plus nombreuses, de jeunes gens en bottes à revers et chemises brunes, chacun portant sur la manche un brassard à croix gammée de couleur criarde. Ils organisaient des réunions et des défilés, paradaient dans les rues en chantant ou en scandant des chœurs parlés, couvraient les murs de gigantesques placards et les barbouillaient de croix gammées. Pour la première fois, je m'aperçus qu'il y avait derrière ces bandes surgies brusquement des puissances financières et d'autres forces influentes. Ce n'était pas le seul Hitler, lequel à l'époque ne prononçait encore ses discours que dans les caves des brasseries bavaroises, qui pouvait avoir équipé ces milliers de jeunes gens d'un appareil aussi coûteux. Ce devait être des mains plus puissantes qui poussaient de l'avant ce nouveau mouvement, car les uniformes étaient reluisants. Les troupes d'assaut envoyées de ville en ville disposaient d'un parc surprenant d'automobiles, de motocyclettes, de camions tout neufs et irréprochables. Mais en 1923, les troupes d'assaut disparurent et le nom de Hitler retomba presque dans l'oubli. Personne ne pensait plus à lui comme à un candidat possible au pouvoir. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il reparut à la surface. Et alors, le flot grandissant du mécontentement le porta d'emblée très haut. L'inflation, le chômage, les crises politiques, et pour une bonne part la folie des gouvernements étrangers, avait soulevé le peuple allemand. Un gigantesque désir d'ordre se manifestait dans tous les milieux de ce peuple, pour qui l'ordre a toujours eu plus de prix que la liberté et le droit. Même Goethe a dit que le désordre lui paraissait plus fâcheux qu'une injustice. Et quiconque promettait l'ordre avait aussitôt des centaines de milliers de gens derrière lui. mais nous n'étions toujours pas conscients du danger. Le petit nombre des écrivains qui s'étaient vraiment donné la peine de lire le livre de Hitler au lieu de s'occuper sérieusement de son programme raillait l'enflure de sa méchante prose. Les grands journaux démocratiques, au lieu de mettre en garde leurs lecteurs, les rassuraient quotidiennement. Ce mouvement, qui en vérité ne finançait qu'à grand-peine son énorme agitation avec les fonds de l'industrie lourde et en s'enfonçant jusqu'au cou dans les dettes, devait inévitablement s'effondrer de lui-même le lendemain ou le surlendemain. Mais peut-être n'a-t-on jamais bien compris, à l'étranger, la raison pour laquelle l'Allemagne a, à tel point, durant ces années, sous-estimé et minimisé la personne et la puissance croissante de Hitler. L'Allemagne n'a pas seulement toujours été un État formé de classes séparées. Avec cet idéal de classe, elle a toujours été affectée d'une surestimation et d'une déification inébranlable de la culture. À l'exception de quelques généraux, toutes les hautes charges de l'État demeuraient exclusivement réservées à ceux qui avaient une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture, en les engageant à ne voir en Hitler que l'agitateur des brasseries qui ne pourrait jamais constituer un danger sérieux, alors que depuis longtemps, grâce à ces invisibles tireurs de ficelles, il s'était déjà fait des complices puissants dans les milieux les plus divers. Et même quand, en ce jour de janvier 1933, il fut devenu chancelier, la grande masse, et même ceux qui l'avaient poussé à ce poste, le considérèrent comme un simple intérimaire, et le gouvernement national-socialiste comme un simple épisode. C'est alors que se manifesta pour la première fois, dans un très grand style, la technique géniale et cynique de Hitler. Depuis des années, il avait fait des promesses de tous les côtés et gagné dans tous les partis des répondants influents qui croyaient tous qu'ils pourraient utiliser à leur fin particulière les forces mystiques du soldat inconnu. Mais cette même technique, que Hitler mit plus tard en œuvre dans la grande politique et qui consistait à s'allier par serment et en invoquant la loyauté allemande avec ceux-là justement qu'il avait l'intention d'exterminer et d'anéantir, célébra son premier triomphe. Il savait si bien abuser par des promesses faites à tout le monde que le jour où il conquit le pouvoir, la jubilation régna dans les camps les plus opposés. Les monarchistes de Dorn voyaient en lui le plus fidèle des serviteurs préparant les voies à l'empereur. Mais à Munich, les monarchistes bavarois, partisans des Wittelsbach, ne manifestaient pas moins d'allégresse. Eux aussi le tenaient pour leur homme. Les nationaux allemands croyaient qu'il allait fendre pour eux le bois dont ils chaufferaient leurs poêles. Leur chef, Hugenberg, s'était assuré par convention la place la plus importante dans le cabinet de Hitler et croyait avoir ainsi le pied à l'étrier. Naturellement, malgré l'accord juré, on le mit à la porte après les premières semaines. L'industrie lourde se sentait délivrée par Hitler de la crainte des bolchévistes. Elle voyait au pouvoir l'homme qu'elle finançait en secret depuis des années. Et en même temps, la petite bourgeoisie, à laquelle il avait promis dans 100 réunions de briser l'esclavage des taux d'intérêt, respirait pleine d'enthousiasme. Les petits commerçants se souvenaient qu'il avait donné sa parole de fermer les grands magasins, leurs plus dangereux concurrents. Promesse qui ne fut jamais tenue. Mais Hitler était surtout bien vu des militaires, parce qu'il pensait en militaire et insultait les pacifistes. Même les sociodémocrates ne voyaient pas son ascension d'un si mauvais œil qu'on aurait pu s'y attendre, car ils espéraient qu'il les débarrasserait de leurs ennemis jurés, les communistes, qui se pressaient si importunément derrière eux. Et après tout, quelle violence pouvait-il exercer dans un État où le droit était fortement ancré, où la majorité du Parlement était contre lui, et où chaque citoyen de l'État croyait sa liberté et l'égalité des droits assurés par la Constitution solennellement jurée. Puis vint l'incendie du Reichstag. Le Parlement disparut. Göring lâcha ses bandes déchaînées. D'un seul coup, tout droit était supprimé en Allemagne. On apprenait en frissonnant qu'il y avait en pleine paix des camps de concentration et que dans les casernes avaient été aménagés des locaux secrets où l'on exécutait des innocents sans jugement et sans formalité. Tout cela ne pouvait être qu'un accès premier de rage insensée, se disait-on. Au XXe siècle, cela ne peut pas durer. Mais cela n'était que le commencement. Le monde tendit l'oreille, se refusa d'abord à croire l'incroyable. Mais en ces jours-là, déjà, je vis les premiers fugitifs. Ils avaient franchi de nuit les montagnes de Salzbourg ou traversé à la nage la rivière qui marquait la frontière. Affamés, les vêtements en loques, l'air hagard, ils vous regardaient fixement. Avec eux avait commencé cette fuite panique devant l'inhumanité qui se poursuivit ensuite autour de la terre entière. Mais je ne soupçonnais pas encore, en voyant ces proscrits, que leur visage blême m'annonçait déjà ma propre destinée, et que tous, nous serions les victimes de la furieuse volonté de puissance de ce seul homme. Il est difficile de se dépouiller en quelques semaines de 30 ou 40 ans de foi dans le monde. Ancrés dans nos conceptions du droit, nous croyions en l'existence d'une conscience allemande, européenne, universelle, et nous étions persuadés qu'il y avait un certain degré d'inhumanité qui s'éliminait de lui-même et une fois pour toutes devant l'humanité. Comme je m'efforce ici de demeurer aussi sincère que possible, je dois avouer que nous tous, en Allemagne et en Autriche, n'avons jamais jugé possible, en 1933 et encore en 1934, un centième, un millième de ce qui devait cependant éclater quelques semaines plus tard. Car le national-socialisme, avec sa technique de l'imposture dénuée de scrupules, se gardait bien de montrer tout le caractère radical de ses visées avant qu'on eût endurci le monde. Ils appliquaient leur méthode avec prudence. On procédait par doses successives et on ménageait une petite pause après chaque dose. On n'administrait jamais qu'une pilule à la fois, puis on attendait un moment pour voir si elle n'avait pas été trop forte, si la conscience universelle supportait encore cette dose. Et comme la conscience européenne, pour le malheur et la honte de notre civilisation, soulignait en toute hâte que cela ne la concernait en rien, puisqu'aussi bien ces actes de violence se passaient de l'autre côté de la frontière, les doses se firent de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'à la fin toute l'Europe en périt. Hitler n'a rien inventé de plus génial que cette tactique consistant à sonder lentement l'opinion mondiale et à aggraver sans cesse et progressivement ses mesures contre une Europe de plus en plus faible, moralement et bientôt aussi militairement. J'ai éprouvé comme un honneur, plutôt que comme une infamie, d'être admis à partager le destin de contemporains aussi éminents que Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Freud, Einstein et bien d'autres, dont l'existence littéraire était totalement anéantie en Allemagne, et dont l'œuvre m'apparaît incomparablement plus importante que la mienne. Et toute attitude de martyr me répugne au point que je ne mentionne qu'à mon corps défendant cette participation au sort commun. Mais, par extraordinaire, c'est à moi, justement, qu'il devait échoir de mettre dans une situation particulièrement pénible les nationaux socialistes et même Adolf Hitler en personne. Car c'est sans doute ma personnalité littéraire, entre celles de tous les proscrits, qui, précisément, a provoqué la plus vive excitation et a fait l'objet de débats sans fin dans les cercles les plus élevés et dans les sommets de la villa de Berchtesgaden. Si bien qu'aux circonstances réjouissantes de ma vie, je puis ajouter la modeste satisfaction d'avoir causé de la contrariété à l'homme provisoirement le plus puissant des temps modernes, Adolf Hitler. Mon intention avait été de passer les mois de janvier et de février en France à travailler. J'aimais comme une seconde patrie ce beau pays où souffle l'esprit, et je ne m'y sentais pas un étranger. Mais cette fois, par suite de circonstances particulières, j'avais entrepris mon voyage plus tôt que de coutume, et je ne voulais être à Paris qu'après Noël. Où aller dans l'intervalle ? Je me souvins alors que depuis un quart de siècle, depuis l'époque où j'étais étudiant, je n'étais en somme jamais retourné en Angleterre. Pourquoi toujours et seulement Paris, me dis-je ? Pourquoi pas une fois aussi 10 ou 15 jours à Londres, afin de revoir d'un regard neuf, après des années et des années, les musées, le pays et la ville ? Ainsi, au lieu de prendre l'express de Paris, je pris celui de Calais, et dans le brouillard réglementaire d'un jour de novembre, je descendis de nouveau du train, après 30 ans, à la gare de Victoria. Et je m'étonnais seulement à mon arrivée de ne pas rouler en cab jusqu'à mon hôtel, comme autrefois, mais en auto. Le brouillard, gris, tendre et frais, était semblable à celui de jadis. Je n'avais pas encore jeté un coup d'œil sur la rue, mais mon odorat avait déjà reconnu, après 30 ans, cet air singulièrement âpre, dense, humide et qui vous enveloppe de près. Et quand au début de 1934 je rentrais en Autriche, j'étais bien résolu à retourner à Londres, qui m'était devenu cher. Il ne me fallut pas plus de 2 ou 3 jours en Autriche pour percevoir à quel point la situation avait empiré au cours de ces quelques mois. Passer de l'atmosphère tranquille et sûre de Londres à celle de l'Autriche agitée par les fièvres et les combats, c'était comme sortir d'une pièce rafraîchie, air conditionné, pour se retrouver soudain dans la rue brûlante par une torride journée de juillet à New York. La pression des nationaux-socialistes commençait peu à peu à délabrer les nerfs des milieux cléricaux et bourgeois. Ils sentaient de plus en plus l'insistance subversive de l'impatiente Allemagne, qui leur serrait aussi la vis dans le domaine de l'économie. Le gouvernement Dollfuss, qui voulait conserver une Autriche indépendante et la préserver de Hitler, cherchait de plus en plus désespérément un dernier appui. La France et l'Angleterre étaient trop éloignées et au fond trop indifférentes. La Tchécoslovaquie était encore pleine de sa vieille rancune et de sa rivalité à l'égard de Vienne, si bien qu'il ne restait que l'Italie, qui s'efforçait alors d'étendre sur l'Autriche son protectorat économique et politique afin de s'assurer les passages des Alpes et Trieste. Pour cette protection, Mussolini réclamait toutefois un très haut prix. L'Autriche devait s'adapter aux tendances fascistes. Le Parlement, et par là même la démocratie, devait être liquidé. Cela n'était possible que si l'on écartait ou privait de ses droits le parti social-démocrate, le plus fort et le mieux organisé d'Autriche. Pour le briser, il n'y avait point d'autre moyen que la force brutale. En vue de cette action terroriste, le prédécesseur de Dollfuss, Ignaz Seipel, avait déjà créé une organisation, la Heimwehr. Vue du dehors, elle offrait à peu près la plus pitoyable des apparences. Elle était formée de petits avocats de province, d'officiers licenciés, d'ingénieurs sans travail, de toutes les médiocrités déçues qui se haïssaient furieusement entre elles. Finalement, on lui trouva une espèce de chef en la personne du jeune prince Starhemberg, qui s'était naguère traîné au pied de Hitler et avait tonné contre la République et la démocratie, et qui maintenant, avec ses soldats de louage, se présentait partout comme l'antagoniste de Hitler et promettait de faire rouler les têtes. Ce que ces gens de la Heimwehr voulaient positivement était tout à fait obscur. En réalité, la Heimwehr n'avait point d'autre but que de s'installer à la mangeoire d'une manière ou d'une autre. Et toute sa force était le point de Mussolini qui la poussait en avant. Ces soi-disant Autrichiens patriotes ne se rendaient pas compte qu'ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis avec les baïonnettes que leur livrait l'Italie. Le Parti social-démocrate comprenait mieux où se trouvait le véritable danger. En lui-même, il n'avait pas à craindre la lutte ouverte. Il avait ses armes. Et par la grève générale, il pouvait paralyser tous les chemins de fer, tous les services de distribution des eaux, toutes les usines électriques. Mais il savait aussi que Hitler n'attendait qu'une telle révolution rouge pour avoir un prétexte à entrer en Autriche en sauveur. Il jugea donc préférable de sacrifier une bonne partie de ses droits et même le Parlement pour arriver à un compromis supportable. Tous les gens raisonnables approuvèrent un tel arrangement, en considération de l'état de contrainte où se trouvait l'Autriche dans l'ombre menaçante de l'hitlérisme. Dollfuss lui-même, souple, ambitieux, mais foncièrement réaliste, semblait incliné à cette mesure de conciliation. Mais le jeune Starhemberg et son compère le major Fay, qui par la suite joua un rôle assez singulier dans l'assassinat de Dollfuss, demandèrent que le Schutzbund livrât ses armes et que toute trace de liberté démocratique et civile fût anéantie. Les sociaux-démocrates se défendirent contre cette exigence. Les deux camps échangèrent des menaces. Une décision, on le sentait, était à présent dans l'air. Et dans le sentiment de la tension générale, je songeais plein d'appréhension aux paroles de Shakespeare. Un ciel si noir ne s'éclaircit pas sans orage. Je n'étais resté que quelques jours à Salzbourg, et j'avais bientôt continué mon voyage jusqu'à Vienne. Et c'est justement en ces premiers jours de février que l'orage éclata. À Linz, la Heimwehr avait assailli la maison des travailleurs afin de s'emparer des dépôts d'armes qu'elle soupçonnait s'y trouver. Les ouvriers avaient répondu par la grève générale, et Dollfuss, à son tour, en donnant l'ordre d'abattre par les armes cette révolution provoquée artificiellement. Les troupes régulières de la Wehrmacht attaquèrent donc à la mitrailleuse et au canon les quartiers ouvriers de Vienne. Pendant 3 jours, des combats acharnés se livrèrent de maison en maison. Ce fut la dernière fois, avant la guerre d'Espagne, qu'en Europe la démocratie se défendit contre le fascisme. Les ouvriers tinrent pendant 3 jours avant de succomber finalement à la supériorité technique. J'étais à Vienne pendant ces 3 jours. Et j'ai ainsi été témoin de ce combat décisif, du suicide de l'indépendance autrichienne. Mais comme je veux être un témoin sincère, je dois tout d'abord avouer ce fait en apparence paradoxal, que je n'ai moi-même absolument rien vu de cette révolution. Quiconque s'est proposé de donner de son temps une image aussi honnête et claire que possible doit avoir également le courage de décevoir les conceptions romantiques. Et rien ne me paraît plus caractéristique de la technique et de la singularité des révolutions modernes que le fait qu'elles ne se déroulent en réalité qu'en très peu d'endroits dans l'espace immense d'une grande ville et demeurent, en conséquence, parfaitement invisibles pour la plupart des habitants. Si étrange que cela puisse paraître, j'étais à Vienne durant ces journées historiques de février 1934 et je n'ai rien vu de ces événements décisifs qui s'y jouaient. Et je n'en ai rien su, absolument rien, dans le temps qu'il se passait. On tirait au canon, on occupait des maisons, on emportait des centaines de cadavres, je n'en ai pas vu un seul. Tout lecteur des journaux de New York, de Londres, de Paris, avait une connaissance plus exacte de ce qui se passait réellement que nous, qui pourtant en étions apparemment les témoins. Et par la suite, j'ai toujours trouvé confirmé ce phénomène étonnant qu'à notre époque, on en sait moins sur les événements décisifs à 10 rues de distance qu'à des milliers de kilomètres. C'était « Le monde d'hier, journal d'un Européen » de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction. Serge Niemetz. 9e épisode. Incipit Hitler. Prise de son, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.